Chapitre 6e. En sortant de chez Madame de Bouillon, Chagny offrit à Morière de l'emmener au bois. Il accepta, tout en songeant qu'il lui fallait trouver un appartement le soir même, afin de donner le lendemain une adresse exacte à la baronne. Et il cherchait, sans parvenir à se le rappeler, qu'il lui avait parlé à Auteuil d'un rez-de-chaussée à sous-louer meublé avenue Hoche. Un rez-de-chaussée avenue Hoche, cela éveillait, lui semblait-il, un souvenir confus qu'il ne pouvait préciser. Descendu aux acacias, le marquis et Chagnier suivaient l'allée des piétons lorsqu'il s'entendit rappeler. La voix venait d'une Victoria, et Morière, en reconnaissant Blanche Lacombe, retrouva soudain ce qu'il cherchait depuis la veille. C'était la danseuse qui lui avait demandé s'il ne connaîtrait pas un locataire pour son appartement. Monsieur de Treuil venait de lui donner un petit hôtel. Bien des fois, avant son départ pour la Perse, André était entré dans le petit rez-de-chaussée qu'occupaient alors les deux Lacombe. Il se souvenait que c'était confortable et propre. L'allée se vidait peu à peu. La danseuse avait fait arrêter sa voiture pour causer. Elle semblait d'ailleurs d'assez méchante humeur. Ses beaux traits réguliers s'accentuaient durement sous la barre noire des sourcils. S'adressant à Chagny, elle lui reprocha violemment de n'avoir pas eu l'air de la reconnaître la veille à Madrid où il avait dîné tout près d'elle. Chagny se défendait faiblement. Il était avec des amis qu'elle ne connaissait pas et du reste il l'avait saluée. Lacombe première, qui physiquement était belle et distinguée, personnifiait moralement le type de la grue dans toute son horreur. Rapace, ignorante et stupide, elle rêvait avant tout de jouer à la femme du monde. Elle exagérait sa raideur naturelle, accablait ses amis de billets parfumés et prétentieux, d'une ignoble écriture en colimaçon hérissée de fautes ridicules, apprenait le grand monde dans les romans et n'admettait pas en public la moindre privauté. Colère, menteuse, mal embouchée, elle hurlait des injures au nez de Treuil qui ne soufflait pas. Son rêve eût été de connaître tous les gens chics de Paris et la phrase de Chagny « J'ai dîné avec des amis que vous ne connaissez pas » l'avait vivement blessé. Certes, Chagny ne valait pas M. Lupin, député rallié qui venait de lui offrir des saphirs étoilés de toute beauté, ni le petit Vertebonne, chef de cabinet du mieux des ministres, un homme bien distingué et bien rigolo, mais enfin, il était tout de même le vicomte de Chagny, l'ami intime du marquis de Morière, l'homme le plus chic de Paris, celui qui menait toute la haute gomme. Il ne devait connaître que des gens très bien. Revenant à la charge, elle demanda « Qui étaient-ce, vos amis? Qu'est-ce que ça vous fait puisque vous ne les connaissez pas ?»« Ça n'est donc pas des gens connus ?» Taquin, Chagny répondit « Si, très connus. Alors je les connais, au moins de nom. Je ne pense pas. Vous ne pouvez pas me les dire, les noms de ces gens si connus ?»« Si, très bien, » dit Chagny que la danseuse horripilait. C'était René Descartes, Boileau des Préaux et Arouet de Voltaire. Il ajouta en riant, ça ne vous dit rien, n'est-ce pas? Il ajouta en riant, ça ne vous dit rien, n'est-ce pas? Elle répondit avec aplomb, si, Arouet de Voltaire, c'est un grand qui a un buggy avec des roues jaunes. Voyant que Morière se roulait, elle déclara d'un ton aigre, ils ont d'ailleurs des noms à coucher dehors, vos amis. Chagny s'éloignait pour aller dire bonjour à quelqu'un. Le marquis demanda, vous m'avez dit hier que vous aviez un appartement à sous-louer. Oui, mon appartement de l'avenue Hoche. Eh bien, je... Un de mes amis en cherche un dans ce quartier-là. Qui ça? Un de mes amis, je vous dis. Si Blanche Lacombe était infiniment bête pour tout ce qui ne concernait pas son métier, elle était pour les choses galantes assez fine. Elle dit, en toisant Morière, vous ne perdez pas de temps, vous. Il n'y a pas 8 jours que vous êtes revenu. Sans paraître entendre, il demanda à la danseuse « Combien voulez-vous sous-louer ça ?»« 1000 par mois. »« Peste, les meubles sont donc en or ?»« Les meubles sont très bien, mon cher. D'ailleurs, c'est à prendre ou à laisser. »« Je prends. Et on peut entrer ?»« Demain, si vous voulez. »« Justement, je crois que mon ami entrera demain, probablement. »« Eh bien, je vous enverrai ce soir le bail. »« Vous voudrez bien prendre la peine de le lui remettre ?» Elle riait. Le marquis, agacé, lui dit, en désignant Chagny, arrêté à quelques pas. Inutile de parler de ça devant Chagny, elle répondit. Soyez tranquille, et moi je vous demanderai de ne pas non plus le dire à Treuil, n'est-ce pas? À Treuil, fit Morière, saisi, en entendant prononcer ce nom à l'improviste. « Pourquoi, à Treuil ?»« Mais, » fit la Combe, « parce que s'il sait que j'ai sous-loué, il me supprimera les 5 000 francs qu'il me donne pour payer mon ancien loyer. Vous me direz que 5 000 francs, c'est pas la mer à boire, mais enfin, c'est toujours ça. Pourquoi riez-vous ?» Il riait en apprenant que l'appartement où il allait rencontrer la baronne était payé par son mari. Tout à l'heure, en louant la danseuse, il ne pensait plus qu'elle était la maîtresse de Treuil, et maintenant ce hasard l'amusait. Voyant qu'il ne répondait pas et qu'il souriait toujours, Blanche se vexa. « Je ne sais pas ce que vous avez à rire. C'est probablement un mystère aussi, comme tout à l'heure, pour le nom des amis de Monsieur de Chagny. » Le marquis s'excusa. « Je vous demande pardon. Je faisais une réflexion qui n'a d'intérêt que pour moi. Vous pouvez être tranquille. Je ne dirai pas à Treuil que j'ai soulevé votre appartement pour un ami. » Elle le regarda. « Encore ? Ça va continuer, cette plaisanterie-là ? » Avec ça, que si j'en avais envie, je ne saurais pas demain, non seulement que c'est vous qui venez dans l'appartement, mais encore qui vous y recevez. » Morière fit la grimace. « Eh bien, mais, » dit-il en affectant de plaisanter, « c'est charmant de louer dans ces conditions-là. » La danseuse secoua la tête d'un air écœuré. « Si vous croyez que ça m'intéresse de savoir qui vous recevez, ou même si vous recevez quelqu'un, les histoires des autres, je m'en fiche un peu. C'est bien assez de m'occuper des miennes, pour ce que c'est drôle. » On sentait l'ennui profond, le dégoût du métier arrivé au dernier point, et André pensa. « Treuil doit avoir de l'agrément. » Madame de Treuil lui avait dit qu'elle montait à cheval à 10 heures, et qu'elle suivait jusqu'à Boulogne l'allée des cavaliers. Il prit l'allée en sens inverse pour la rencontrer. Il essayait un cheval acheté la veille et qui lui paraissait bon. Le soleil passait à travers les feuilles, tachant de grandes plaques lumineuses le sable jaune de l'allée. Les moineaux piaillaient dans les branches, et le bois était, ce matin-là, singulièrement vivant. Morière retrouvait les visages connus, le brouhaha, le guet-apage qu'il aimait tant. L'allée des cavaliers était certainement au cours de ses voyages ce qu'il avait le plus regretté de Paris. Tandis qu'il montait au galop de la petite côte qui part de la porte de Boulogne, une voix essoufflée demanda derrière lui « Vous n'avez pas vu Agar ?» Dantin passait. Il se retourna pour regarder en riant le comte Salomon qui rejoignait Morière. « C'est que le « Vous n'avez pas vu Agar » du banquier était bien connu des habitués de l'allée. C'était sa façon d'aborder les gens qu'il n'eût pas osé aborder sans un prétexte. Aux intimes, il disait « Avez-vous vu Agar ?» Aux autres, « Avez-vous vu ma fille ?» On lui répondait oui ou non, et il continuait à cheminer de front. C'était ce qu'il voulait. Son cheval ne marchait bien qu'accompagné, autrement il s'arrêtait pour brouter, ruait aux mouches, et festonnait déplorablement, allant se frotter contre les jambes de tous les cavaliers qu'il rencontrait. Morière ignorait l'éthique du cheval et du maître, et il fut un peu interloqué de cette question qui tombait à pic. « Non, je n'ai pas encore rencontré Madame de Treuil. Est-ce qu'elle ne monte pas ce matin ?» Le banquier affirma qu'elle allait venir. Il avait vu les chevaux qui attendaient à l'entrée de l'avenue du Bois. Seulement, elle se mettait toujours en retard, étant très longue à s'habiller. On n'avait pas idée du temps que durait sa toilette. Il ajouta « Et justement, aujourd'hui, je crois que c'est le jour de la teinturière. » Comme Morière, étonné, le regardait, il expliqua « Oui, c'est le jour de la femme qui vient mettre le henné. Ah, vous ne savez pas comment ça se fait, monsieur le marquis, ça m'étonne. Je croyais qu'un monsieur comme vous devait être au courant de tous ces petits mystères de toilette. Eh bien, on fait des grands cataplasmes avec le henné. On emballe la tête dedans et puis on l'y laisse, pour que la couleur prenne bien, vous voyez ça ?»« Parfaitement, » fit André, qui en effet voyait ça et ne trouvait pas ça joli. Le comte Salomon reprit « « Alors c'est assez long, vous comprenez cette opération. D'autant plus qu'après, il faut laisser sécher. » Morière demanda « Et ça a besoin d'être renouvelé souvent ?»« Il y a des femmes qui font ça seulement tous les 15 jours, mais la couleur naturelle reparaît aux racines. Agar le fait toutes les semaines. Ah, voilà vos cousins de Givray. » Les Givray venaient de les dépasser très vite. André saisit ce prétexte pour lâcher le banquier. « Je vous demande pardon, j'ai un mot à dire à ma cousine. » Et il fila, le laissant très préoccupé de retrouver un autre compagnon, tandis que son cheval s'arrêtait immédiatement pour goûter les pousses vertes tendres d'un chêne qui allongeait dans l'allée un tout jeune rameau très tentant. Morière rejoignit les Givrets. Il venait de s'arrêter avec Chagny et les Vaunancourt. Tout de suite, il commença par attraper Rosette sur la façon dont son cheval était bridé. « C'est absurde. Pourquoi montes-tu au bois en filet ?»« Parce que c'est commode. » »« Le gosse est odieux avec une bride. Il tire, il pèse 100 livres et comme ça il est délicieux. »« Ah, il s'appelle le gosse, ce cheval-là. »« Oui, tu le trouves laid ?»« Pas plus laid qu'un autre pur sang. Je n'aime pas les purs sangs comme chevaux de femme. » Moi, je n'aime que... Tu as tort. C'est possible, mais comme c'est pour moi... Madame de Vaunancourt dit, en montrant Morière et la petite de Givret, ils n'ont pas perdu l'habitude de se disputer. Rosette, qui marchait devant avec son cousin, se retourna. Il est tellement maniaque et tracassier, et tatillon, ce pauvre André. Il protesta. Je ne suis pas tracassier, mais tu es si insouciante. Tu as si peu l'instinct de ce qui se fait ou ne se fait pas. Ainsi, pour en revenir à ton filet, pourquoi en revenir à lui? On ne monte pas en filet ailleurs qu'à la campagne. Ça ne se fait pas. Elle demanda en riant. Ce n'est pas assez habillé. Il répliqua avec son assurance têtue. Ça ne se fait pas parce que ça ne se fait pas. Si ton cheval tire avec une bride, tu peux lui mettre un pélame. J'ai essayé, ça ne va pas non plus. Tu devrais chercher... une combinaison quelconque, mais brider ton cheval autrement. Si tu te voyais, avec ce filet et ton chapeau de soie. Elle ne comprenait pas d'abord. Oui, dit-elle quand elle eut réfléchi. Tu as raison, ça ne va pas ensemble. Demain, je mettrai un melon. Il se récria. Un melon. Tu ne vas pas monter avec un melon à cette époque-ci, je pense. Et pourquoi donc pas? Un melon, avant le Grand Prix. Il avait dit cela d'un ton effaré, presque tragique. La petite de Givret se tourna vers Madame d'Argonne qui venait de la rejoindre. Voyez-vous, je suis en train d'indigner André. Christiane posa ses grands yeux limpides sur Morière et demanda « En quoi faisant ?»« En mettant un filet au gosse, qui n'aime pas les brides, et en parlant de monter avec un melon demain. »« Ah !» fit la comtesse qui ne parut pas scandalisée. Monsieur d'Argonne intervint. André a parfaitement raison, ça ne se fait pas. On ne monte qu'en chapeau de soie jusqu'au Grand Prix. Rosette protesta. Mais si j'ai trop chaud, sapristi. Un melon n'est pas plus frais, c'est une erreur. Au contraire, le chapeau de soie renferme plus d'air. Il est plus loin de la tête. Mais il est plus près du soleil. Comme Madame d'Argonne riait, son mari la regarda presque fâchée. Décidément, elle ne comprendrait jamais rien à tout cela. Madame de Givret, avec son laisser-aller, ses idées de l'autre monde et son parti pris de négliger la correction, était pour elle un détestable exemple. Morière examinait Christiane, qui marchait depuis un moment devant lui. Il lui semblait voir, à certains mouvements, ses muscles qui jouaient sous le drap de l'Amazone. À la fin, très intrigué, n'y tenant plus, il envoya lui aussi promener la correction et ne put s'empêcher de dire à Jacques « Je te demande pardon de mon indiscrétion, mais dis-moi, est-ce que Madame d'Argonne ne porte pas de corset ?» Il répondit très fier de la taille de sa femme « Jamais ». Morière eut un clignement d'œil admiratif et dit « Fichtre ». Puis au bout d'un instant, il ajouta « Si Madame d'Argonne s'habillait comme tout le monde, elle aurait certainement la plus belle taille de Paris. » « N'est-ce pas ?» fit le comte. Mais, un peu défrisé par la restriction d'André, il dit à sa femme, qui maintenant se trouvait sur la même ligne que lui, « Vois-tu, tu crois toujours qu'on ne s'aperçoit pas que tu t'habilles sans corset. Morière s'en est bien aperçu, lui. » Elle rougit, et le marquis resté en arrière vit sa nuque ronde se teinter d'un rose merveilleux. Christiane rougissait comme un bébé. Le sang affluait doucement à sa peau délicate, y mettant des lueurs d'opale. Comme M. d'Argonne revenait à côté de lui, il lui dit « Tiens, tu dis-tu à ta femme ?»« Oui, » répondit le comte qui rougit à son tour. « Tu trouves ça choquant ?»« Oh, pas du tout. Je ne suis pas si facile à choquer, non. Ça m'a surpris, voilà tout. » Quoi qu'il fît pour être poli, on sentait le blâme dans la formule et dans l'accent. M. d'Argonne en resta préoccupé. Il trouvait qu'André avait raison, que ce tutoiement n'était ni chic, ni même de très bon ton. Et c'était lui qui, au début de leur mariage, avait exigé cette appellation plus intime qui gênait sa femme. Christiane avait toujours entendu ses parents se dire « vous », et elle savait qu'ils s'aimaient tendrement. Dans le milieu où elle vivait, les maris et les femmes ne se tutoyaient jamais, et au commencement, le tutoiement la froissait à l'égal d'une indécence. Mais, comme Jacques, trop amoureux pour peser ses paroles, panachait ses phrases de « tu » et de « vous » du plus grotesque effet, elle avait fini par trouver qu'une appellation unique était préférable, et elle avait consenti à le tutoyer aussi. Dans ce temps, il ignorait absolument le monde, que Christiane connaissait très bien. Enfermée avec des parents autoritaires dans le vieil hôtel où n'entraient que de vieux amis sévères et ennuyeux, et leurs enfants, sévères et ennuyeux comme eux, qui avaient été les compagnons de son enfance, Jacques avait cru de bonne foi que tous les gens de même race ressemblaient à ceux qu'il connaissait. Et quand, maître de lui, marié, libre de vivre à sa guise, il s'était trouvé jeté tout à coup dans ce monde charmant, élégant, fêtard et joliment frelaté, composé pourtant de gens de la même espèce que lui, il avait eu d'abord le vertige. André de Morière, le seul parmi les amis de sa jeunesse qui pouvait le guider, voyageait. La mère d'André, austère et froide, était très liée avec la mère de Jacques, et tout petit, les deux enfants s'étaient aimés. Bientôt, M. de Morière avait échappé à l'autorité maternelle en héritant d'un cousin qui lui laissait une fortune considérable. Il s'était lancé, devenant en quelques mois un homme élégant, mais il avait continué à venir comme par le passé à l'hôtel d'Argonne. De cela, Jacques lui gardait une reconnaissance infinie. Tandis que M. et Mme d'Argonne déclaraient qu'il avait l'air d'une gravure de mode, André paraissait à Jacques un être supérieur et mystérieux, dont il ne s'expliquait pas la vie ni l'emploi, mais qu'il admirait de toutes ses forces. Morière, de son côté, évitait de parler à son ami de ce monde brillant qu'il ignorait. Il eut craint de lui donner envie de cet inconnu, d'attristé par des regrets sa vie monotone et tranquille. Au commencement de leur mariage, Christiane et Jacques avaient voyagé pendant 6 mois. Puis, au retour, il s'était, de par sa volonté à lui, jeté à corps perdu dans l'élégante coterie qui fournit aux journaux leurs écomondats. Dans cette coterie, dont le marquis de Morière était l'âme, les Treuil, les Vaunancourt, les Bouillon et quelques comparses tels que Dupuis et Dantin donnaient le ton. Madame de Givray, que sa liaison avec Madame d'Argonne et sa parenté avec les Bouillon amenaient à faire quelquefois partie des petites fêtes, ne jouissait au point de vue du chic d'aucune notoriété. Pendant que M. d'Argonne se disait tristement que le tutoiement de Maria femme nuit au prestige mondain, Morière, qui voyait de côté la selle de sa cousine de Givray, lui en fit compliment. « Très jolie, ta petite selle, tu sais. Elle ne doit pas peser lourd. 9,5 livres. Elle est très élégante, très bien comprise, mais... » Il se pencha sur l'encolure de son cheval, cherchant à voir en avant du genou et de la jambe droite de Madame de Givray, et reprit, stupéfait, « Là, en avant, il n'y a pas de cuir ? Sous ta jambe, c'est le cheval ? C'est lui-même. Mais c'est fou. Non, c'est léger. Mais tu dois salir toutes tes jupes. Et puis tu n'as pas la jambe appuyée. J'ai la jambe très bien, ne t'inquiète pas d'elle. Et elle est droite derrière, cette selle, sans s'élargir à gauche. Et elle est droite derrière, sans s'élargir à gauche. Ah ça, c'est une faute. Avec ce système-là, c'est absolument comme si tu avais une selle d'homme qui est des fourches. Et pourquoi n'aurais-je pas une selle d'homme qui est des fourches ? Parce que ça ne se fait pas. Oh ! Dit Rosette, crispée. Non, jamais. Toutes les selles faites en Angleterre ont le côté gauche élargi et une petite bande de cuir en avant pour protéger la jupe et soutenir la jambe. Qu'est-ce que ça me fait ? Ainsi, tiens, j'ai chassé souvent avec Lady Dolby. C'est la femme d'Angleterre qui monte le mieux à cheval. Eh bien, Lady Dolby a une selle avec l'assiette élargie à gauche et... Mais laisse-moi donc tranquille avec Lady Dolby. Si nous n'avions, elle et moi, qu'une selle pour nous deux, je pourrais faire des concessions. Mais puisque nous avons chacune la nôtre, il me semble que nous pouvons chacune la voir comme il nous plaît. Monsieur de Givray, qui riait, dit à Morière, « Vous avez de la chance que Rosette vous aime bien. Parce que si un autre que vous la rasait comme ça... Le marquis répondit, convaincu. Elle n'arrive pas à comprendre certaines nuances. Madame d'Argonne le regarda. Il lui semblait entendre parler son mari. Ces deux hommes se ressemblaient à s'y méprendre, de sentiments, de goûts et même de langage. Ils employaient dans les mêmes circonstances les mêmes formules. La petite de Givray, sur les nerfs de qui la selle de Lady Dolby commençait à agir, prit le galop, se croyant quitte des remontrances de son cousin. Mais Morière la rappela à l'ordre. « Ton cheval galope à gauche. Je le vois bien. Pourquoi le laisses-tu galoper à gauche ?»« Parce que je le laisse toujours galoper sur la patte qu'il veut. C'est laid, et puis c'est très malsain. » Mon bon André, j'ai 33 ans. Il y a environ 25 ans que je galope comme ça, et je me porte à merveille. Mais c'est affreux. Voilà qui m'est égal. Ça ne m'est pas égal à moi. J'aime mieux m'en aller que de te voir galoper comme ça. On ne galope pas comme ça. Énervée à pleurer, elle lui cria. Ah, tu m'embêtes à la fin. Reste, si tu veux. Va-t'en, si ça te plaît. Inquiet, il regardait autour d'elle si personne n'avait entendu. Vraiment, Rosette était trop mal élevée. Elle devenait compromettante. Il pensa tout à coup qu'il lui fallait se mettre à la recherche des treuils et profita de la boutade de Rosette. S'arrêtant, il tourna pour redescendre vers Boulogne et, passant près de Givray, il lui dit « Ta femme est comme un crin. Je ne sais pas ce qu'elle a. » Monsieur de Givray répondit en riant « Moi non plus, mais je sais bien ce que j'aurais si j'étais à sa place. Quoi donc ? Une attaque de nerfs. » Madame de Vaunancourt affirma. Ça, c'est vrai. Vous ne la laissez pas une minute tranquille. Et Rosette, retournée sur sa selle, cria, en le voyant partir. Si tu crois que je ne comprends pas que c'est tout bonnement que tu voulais t'en aller. Morière fit quelques pas et, rencontrant Dupuis, lui demanda. Avez-vous vu les treuils ? Il se mit à rire méchamment. Tiens, vous voilà comme le père Salomon. Avez-vous vu Agar ? Non, je n'ai pas vu Agar. Pourquoi ? Vous avez quelque chose à lui dire ? Il ricanait. Le marquis eût bien voulu le quitter, mais d'autre part, il pensa que s'il rencontrait enfin la baronne, Dupuis lui serait très utile pour occuper son mari. Il y avait beaucoup de cavaliers, on ne pouvait pas marcher plus de 2 de front. Dupuis cheminerait à côté de Treuil, et lui donnerait à sa femme les dernières indications. Ils croisèrent Chani qui remontait vers Paris. Dupuis lui demanda « Vous n'avez pas vu les treuils, nous les cherchons. » « Je ne les ai pas vus. Mais si vous continuez, vous allez trouver leur bon père. Là, au tournant après le petit rond-point, son cheval broute une ortie depuis 5 minutes. Il ne veut pas la lâcher. » Il ajouta « Je vous laisse. J'aperçois les treuils demandés. Moi, je ne suis pas à la hauteur. Je ne gobe pas beaucoup la belle Agar. » Et voyant que Morière faisait une tête, « Elle est très belle. Oh, superbe. Mais elle a des attitudes, des poses, des costumes. Au revoir, je file, pour ne pas tomber dans ses bras. » Les treuils arrivaient à un petit galop, très cadencé, très régulier. Ils s'arrêtèrent, et la baronne lança à André un long regard appuyé, visible pour tous, qui l'agaça un peu. Et il en prit presque de l'humeur. Cette humeur lui fit à trouver Agar moins belle que la veille. Ce n'était pas une femme de plein air. Sa peau, qui aux lumières avait des pâleurs de jasmin, paraissait jaune. Et puis, en regardant ses beaux yeux à cajou, il pensait au récit peu poétique du père Salomon, au cataplasme, à la description qui devait être vraie, de l'opération de teinture. Il entendait sa voix, grasseyante bien qu'un peu grêle, répéter « Agar sèche ». Et il hésitait presque, se sentant sans entrain, devenu très lâche tout à coup. Tandis qu'il examinait la baronne, cherchant vainement à se fouetter l'imagination, il revoyait la nuque rose de Madame d'Argonne. Alors il se raisonnait, voulant se démontrer combien Agar était mieux, avec ses belles ondulations régulières, sa taille mince à se briser, et son amazone si bien faite, moulant des formes qui semblaient irréprochables. Il put enfin s'isoler avec elle et lui parler.